wangi motembe za lakapona moto moko ndambo memisinga na mwana mwasio na mimile loke kodi mezalaka Zakari baba baswe omoni bokuta ni yangana yo ngenge mokile sepeli pongane na salake ba wanyango ezala roi soleil reste tel qu'il est titi baba baswe yandela ngako amanda kei atiki teli loba Nazama kinzela na landa, felese ya pamba Mokili komplike, motalinga mona ya pamba Estalinga ipasi lokola na sindeli kambo Oh Amanda, yeah yeah Oh Richesse, yeah yeah yeah Oh Amanda, yeah yeah Oh Richesse Amanda zonga pala donga ina bebi zoto La première dame de Ça Paris. Ça fait des aménages, je suis tombé malade. Oh. Ndaya Ilunga, Ida Okapi. Bolingo na yo richesse, elle a tinga na zoto. Gabi Senga, Landi Lungange. Oula mi balé chérie, na sali se kobela. Oh. Mero Kito. Amanda Nani, Atiki Teli Loba. Nazanga kinzela na landa, fiele se ya pamba Mokili komplike, mutalinga mwana yo pamba Esalinga impasi lokola na zindeli kambo Oh Amanda, yeah yeah Oh Richesse, yeah yeah yeah Oh Amanda, yeah yeah Oh Richesse Amanda zonga palado maina bebi zoto Arena Minata, Alubo Mboka. Ça fait des aménages, je suis tombé malade. Oh. Kiki le boko, na sika le boko, oasis na le yo. Olingo na yo richesse, ela tinga na zoto. Bijou na Elize Mboma, salon elegance. Mbula mibale chéri, na sali se kobela. Oh. Ulutu boa Mboma, na samabi. Christian na kwase, Assistance sociale, encadré par la Chage Chage, Malou Longondo, Germaine Bigi, la Jakarta. Madame Maloué, Madame Apoto. Ah, Amanda Richesse, eh, yo wakina na Mali, Nani Abiki Saka, na Belali, na Zakomba, Ayakano Samona. L'homme qu'il fallait, Sisi Mopatini. Allez Marino, comment voir la tempête? Jean-Pierre Mongala à la porte d'Hiroshima. Koloba loba soki eleki, tigana nongana kanisa. Zala conscience na oyo seninga. Soki likambo zala garante O banyoko loko moto oyo lingi boete Amanda nakana kate Jean Roger Bao Yaka remo kanzae Zonga ye Roger Noso Yaka Nako benga benga Marie-José Kanza, Vole Kibango Ayakano Samonanga Yege Mère Vérola Congolaise Yege Amanda Yeye Richesse Yeye Baninga Babala Yabango Sebisengo Koyanga Nanda Koye Koma Sekolela yotiki ngali kombe Mireille Fana maitidi elengigu Marie France Lola yena dade José Tumba Willy Tembela Naneli Richard Kabambi Amanda salalanga lofunu na songa misapi mama Tommy Nyange Tobi mana miso ya bato po ba mona miso ba ye baketo lingani chéri Oline millionnaire Yo la tronde l'exambure na mona yo wapi Etienne Mundele Victor Samba Chacho Mbala Konku Costa ye Amanda lichese ye Yo mwakina na mali ye ye Miss Bomolo Miko boy Na bela li na tapomba ye Ferongo Villa Mateo Sangela na yeye Amanda Yeye Lichess Yeye Na kokuva Bona ya Amanda Lichess Micho Mingeni Loris la Congolaise, la Béatembo, la Boubouli au-delà.